50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Découvrez l'exposition centrale de Manif d'art 8, la Biennale de Québec, présentée au pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec. Des artistes d'ici et d'ailleurs vous en mettront plein la vue. Cet hiver, célébrez l'art de la joie au M&Back. Le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Bonjour tout le monde, bon samedi, bienvenue au Grain de Sable, votre émission sur l'actualité locale, nationale et aussi internationale. Surtout internationale aujourd'hui parce qu'on va beaucoup parler d'Europe, mais aussi de Turquie. Je suis Étienne Blondeau, chroniqueur à l'émission. Aujourd'hui, je vais faire l'animation parce que notre animateur Jean Cloutier est en France actuellement. Et qui va nous proposer, on va pouvoir l'entendre en deuxième partie d'émission, il va nous proposer une entrevue avec M. Habib Hamza Erdem, qui est un expert d'économie, de politique, de géopolitique turque, et qui va pouvoir nous parler, parce qu'il est aussi directeur général de l'Institut Mustafa Kemal Atatürk, va pouvoir nous parler de la situation politique actuelle en Turquie, parce que demain, dimanche 16 avril, il y a un très important référendum. Référendum pour toute la population turque qui va décider des nouveaux pouvoirs du président actuel là-bas. Alors, ça va nous permettre d'en savoir plus sur ce dossier-là. Mais d'abord, on va beaucoup parler d'Europe parce qu'il y a des élections qui s'en viennent dans une semaine environ. Ça va être les présidentielles françaises qui vont commencer, le premier tour, pour être précis, de ces élections-là. Et la course entre les candidats français est extrêmement serrée. Et bien sûr, j'entends déjà les gens qui s'inquiètent à cause des élections qu'on a eues l'année dernière, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, le choix du Brexit en Angleterre. Les gens se demandent, est-ce que les populations européennes vont suivre ces mouvances-là? J'en ai pas l'impression, mais on va pouvoir en parler plus dans le détail dans peu de temps. Pour faire la différence entre, je dirais, la culture anglo-saxonne, qui n'est pas très proche de la culture française ou des pays avoisinants. On va pouvoir en parler en détail pendant notre première moitié d'émission sur les élections françaises. Et aussi, on va y aller en musique avec... j'ai choisi des chansons et des musiques qui ont tendance à être jouées dans les rassemblements de Jean-Luc Mélenchon, qui est un des candidats en France. On va pouvoir commencer avec Mozart, le concerto de piano, numéro 25 dès maintenant. Thank you. Bonjour, vous êtes toujours au Grain de Sable, à CKRL, l'émission d'actualité politique. Alors, c'était Mozart, le concerto de piano numéro 25. C'est le genre de musique que je vais faire jouer au cours de l'émission, qui sont dans les vidéos promotionnelles ou les discours et rassemblements du candidat de gauche, Jean-Luc Mélenchon, en France, un des candidats aux élections présidentielles françaises. Et d'ailleurs, si vous avez prêté l'oreille dans cette pièce musicale-là, vous avez peut-être reconnu que ça a inspiré la Marseillaise, la Marseillaise très connue. Et en fait, je commence tout de suite parce que j'avais dit que j'allais parler des élections en Europe pour les comparer avec celles qu'on a eues l'année dernière. En 2016, c'est ça, on a eu l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. On a eu aussi le choix du Brexit par référendum du côté de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Alors, ces choix-là peuvent nous faire croire que la mouvance, on peut dire nationaliste, vraiment qui ressentent les énergies du pays sur eux-mêmes plutôt que sur la collaboration entre les nations, souvent, ou franchement contre l'immigration, pourrait aussi se répandre en Europe dans les élections qui s'en viennent, dans les élections très nombreuses en 2017 ou dans les années qui suivent. Mais franchement, j'ai vraiment pas l'impression que c'est le cas parce que on peut faire beaucoup de différence entre les deux cas. Lorsqu'on regarde les élections, j'en prends une par exemple, le meilleur exemple c'est en Autriche, ça s'est fait l'année dernière, le 4 décembre 2016. C'était le deuxième essai du candidat du Parti de la Liberté d'Autriche, d'extrême droite, Norbert Hofer, j'espère que je massacre pas trop son nom, qui était contre le candidat du Parti Vert, le candidat des Verts, Alexander Van der Bellen. Et il refaisait l'élection parce qu'il y a des lots de votes, de billets de vote qui avaient été ouverts avant l'heure réglementaire. Alors, étant donné les irrégularités, les gens ont préféré répéter l'élection. Mais c'est une autre fois encore le candidat des Verts qui a été choisi, M. Der Bellen. Alors, le candidat de l'extrême droite a perdu deux fois de suite, finalement. C'est parce que, si on le prend comme exemple, lui et son parti de la liberté d'Autriche, c'est qu'il n'y a pas les avantages, par exemple, d'un Donald Trump qui, lui, était présent sans arrêt à la télévision depuis de nombreuses années, qui avait du charisme, qui avait l'expérience pour retenir l'attention des gens par ses dires ou disons ses expressions faciales ou quoi que ce soit. En gros, il était présent avec le quotidien des gens et depuis des années, alors forcément ça a attiré des votes par sa notoriété, la familiarité et son charisme, comme je disais, de un. Et lorsqu'on regarde les partis, quels qu'ils soient en Europe, qu'on pourrait dire nationalistes ou anti-immigration, on ne retrouve pas de candidats qui a clairement qui dégagent le même charisme ou qui sont présents dans l'esprit des gens, dans l'esprit du public depuis aussi longtemps qu'une star de la télévision comme Donald Trump. Alors, ils n'ont vraiment pas cet avantage-là. Et aussi, Donald Trump, lui, il était au Parti républicain, c'est-à-dire un parti très vieux, très implanté, dont les coffres débordent d'argent, là, un parti établi, qui a déjà gagné plein de fois par le passé. Mais lorsqu'on regarde l'Europe, on regarde la France et que le Front National, on regarde le Parti de la Liberté en Autriche, on peut regarder aux Pays-Bas, le Parti de Geert Wilders, Parti pour la Liberté. Ce sont des petits partis qui sont neufs, qui sont apparus il y a des fois des quelques décennies, mais qui n'ont pas eu des gains électoraux intéressants, disons, depuis un demi-siècle ou plus, là. Ils sont vraiment pas de la taille du Parti républicain sur lequel Donald Trump a surfé jusqu'à la Maison-Blanche pour ce qui est de leur budget, de leur notoriété, de leur sérieux. C'est un parti qui avait déjà fait ses preuves parce qu'il avait été au pouvoir très fréquemment, alors que les électeurs européens, les options très nationalistes, ce sont des petits partis, finalement, que personne ne connaît vraiment, là, qui n'ont pas subi l'exercice du pouvoir, qui n'ont pas prouvé à personne ou à aucun électeur ce dont ils sont capables, ou ce qu'ils feraient ou ce qu'ils voudraient faire. Alors, c'est vraiment un désavantage pour ces partis-là, et ça mine leur chance de gagner. Et pour ce qui est, si je fais une autre comparaison avec le Brexit, ça c'est, disons, c'était un vote qui se portait, c'est un vote contre l'Union européenne. C'est un vote aussi pour espérer avoir un meilleur succès économique en Angleterre et baisser les quotas d'immigration au niveau de l'Angleterre. Eh bien, ce vote-là, pour le Brexit, disons, est particulier au camp anglais parce que eux ne sont jamais entrés dans le système européen comme l'a fait, par exemple, l'Allemagne ou la France. Hein. Deux pays qui ont choisi d'abandonner leur monnaie nationale à leur détriment pour prendre l'euro et pour fonctionner vraiment selon les directives de la source de toute cette monnaie-là, qui est Bruxelles, hein, qui est les nouvelles institutions européennes. Alors, l'Angleterre n'a jamais joué le jeu ou accepté les règles comme l'a fait l'Allemagne et la France, c'est-à-dire qu'un Brexit était plus facile, plus simple qu'un si on reprend le terme là, le Frexit par exemple, là. Quand on parle de la France qui sortirait de l'Union européenne, là on parle d'abandonner une monnaie, d'abandonner des conventions, des traités. C'est un changement plus important dans l'esprit des Français que, par exemple, le Brexit l'était dans l'esprit des Anglais qui avaient, disons, qu'un orteil d'entrée dans l'Union européenne. Alors, ça se compare pas vraiment si les Anglais ont décidé de renoncer aux quelques règlements européens qu'ils avaient acceptés. C'était pas grand-chose ce sur quoi ils ont reculé comparé à ce que ce serait qu'une sortie pour l'Allemagne et la France, même si on peut la souhaiter, parce que dans le cas vraiment purement monétaire de l'euro, c'est une grande source des troubles de la France ou des autres cigales, comme pourraient les appeler peut-être les rentiers allemands, les pays qui ont plus des difficultés financières, parce que, bon, pour faire extrêmement simple, là, chaque peuple a besoin d'avoir sa propre monnaie qui correspond à ses besoins. Et ça se fait par... Et ça, en fait, c'est vraiment le contre-exemple qui nous prouve à quel point ça fonctionne pas sinon. L'euro imposé à tous les pays européens, là, la même inflation, le même genre d'économie, le même genre de monnaie. C'est un peu comme si vous prenez une pièce pleine de monde et que vous leur imposez la même pointure de chaussure. Là, tout le monde va chausser, je sais pas moi, du 9 ou du 10. Certains vont être confortables avec ça, mais plusieurs vont souffrir, vont se sentir très serrés. Ça va être impossible dans leur cas. Alors, c'est autant une erreur pour une monnaie d'imposer la même et les mêmes taux et le même fonctionnement à tous les pays. C'est pas tous les pays qui vont pouvoir s'ajuster. Mais vu que je voulais parler de la France, après une petite pause, on va vraiment se concentrer sur le cas des élections françaises, sur le cas des chances de chaque candidat pour entrer à l'Élysée. Alors, je vais m'arrêter pour vous proposer une autre petite musique, une petite pause musicale, avec une autre chanson qu'on retrouve souvent dans les rassemblements du candidat Jean-Luc Mélenchon. C'est la chanson « Un pauvre Martin » de Georges Brassens qu'on peut écouter dès maintenant. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, il retournait le chant des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe, en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire, pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Bon, ben, vous êtes encore au grain de sable. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. Les élections présidentielles en France, parce que ça a lieu, ça commence avec un premier tour dans à peine une semaine. Alors, je vais d'abord commencer par un aveu. Je peux difficilement faire des prédictions sur ce qui va se passer parce que non seulement les plus petits candidats grossissent à vue d'œil dans les intentions de vote, au moment où on se parle, dans la dernière ligne droite avant le vote, mais il y a aussi plusieurs candidats qui s'effondrent Le mot est un peu fort, là, mais qui prouvent qu'ils n'étaient pas si intéressants que ça pour les électeurs, comme celui qui était essentiellement en tête, là, et Emmanuel Macron, le candidat de son propre parti, En Marche. Ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, le système à deux tours faisait d'abord que dans le premier tour, tout le monde peut se présenter, tout le monde a sa chance, mais le second tour fait que c'est seulement les deux premiers, les deux qui ont eu le plus de votes, qui s'affrontent en duel, finalement, pour voir qui accède à l'Élysée. Mais puisque les gens se sont vraiment fait à l'idée que la candidate de droite, la candidate nationaliste Marine Le Pen, va se retrouver à ce second tour, le premier tour est un peu... Il n'y a pas de secret, hein? On sait déjà que c'est un choix pour savoir qui va se retrouver en face de Mme Marine Le Pen. C'est déjà clair dans la tête de tout le monde. Alors, les gens ne votent pas comme ils faisaient, je dirais, habituellement au premier tour, là, où est-ce qu'on y allait avec le vote, comment dire, on votait selon son cœur, selon ses convictions. Peu importe si c'était un petit candidat ou un grand candidat, on essayait, on profitait du premier tour, disons, pour encourager le parti en lequel on croyait vraiment. Là, le problème, c'est que les gens veulent, par une assez forte majorité, essaient de choisir le candidat qui serait le plus à même de bloquer Marine Le Pen. Et c'est ça, vraiment, les gens ont fait une assez grave erreur en misant, je dirais, sur le poulain Emmanuel Macron, parce que lui était un candidat de la continuité avec François Hollande, qui est vraiment, qui d'ailleurs se représente pas tellement qu'il est haï par tout le monde, apparemment, et qui, c'est ça, a été au gouvernement de la présidence précédente pendant plusieurs années. Il a été son conseiller économique. C'est lui qui a orchestré ou conseillé le président pour finalement se faire élire en disant qu'il était de gauche, puis revenir sur tous ses engagements, sur toutes ses promesses au cours de son mandat, prendre toujours les décisions voulues par leur équivalent du conseil du patronat ou des banques, et ne jamais faire bien mal aux corporations par l'impôt. Et vraiment, ce candidat-là, Emmanuel Macron, se refait seulement sur des sondages, d'abord, qui ont perdu notre confiance parce qu'il prédisait la victoire d'Hillary Clinton et qu'il prédisait la défaite du Brexit. On sait ce qui est arrivé. Alors, le candidat le plus adulé par les sondages est de loin le plus inintéressant. Et en fait, le cas d'Hillary Clinton, la comparaison est intéressante parce que c'est un candidat, j'ai envie de dire, aussi mauvais qu'elle, hein, qui est usé par plusieurs années au pouvoir. Il vient du même système. C'est un candidat du système de la continuité et des mêmes gens aux affaires, qui provient du milieu banquier. C'est ça, qui a été au gouvernement d'un mandat assez détesté de François Hollande du Parti socialiste, qui propose pas de solution. Il se propose lui-même, hein. En tout cas, Hillary, son slogan, c'était We're with her. Elle se vendait elle-même et avait absolument rien à conseiller ou à proposer à qui que ce soit. Emmanuel Macron, lui, il a parti un mouvement En Marche, hein, pour les initiales de son propre nom, vraiment centré sur sa personne, complètement vide, qui propose rien et qui débite des phrases creuses, tellement creuses que j'ai mis des vidéos sur le blog de l'émission, le grain de sable qc.wordpress.com, des vidéos où on voit son public fuir, essentiellement. Il est en train de parler, il n'a pas fini son rassemblement politique et les gens sortent, les journalistes sont surpris, ils les interrogent et ils demandent ben c'est pas fini, pourquoi vous partez déjà? Et les gens disent c'est creux. Il n'a absolument rien dit depuis le début. Il fait juste répéter des phrases vides de sens, des petits slogans creux. Et les gens peuvent physiquement pas supporter de l'entendre plus longtemps. Alors, moi, personne ne va me faire croire qu'il est toujours en tête dans les intentions de vote. Ceux qui ont le plus de chances d'être en face de Marine Le Pen, mais je suis incapable de me décider entre l'un et l'autre, c'est François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Fillon, lui, parce qu'il est un candidat de la droite. Alors bon, l'alternance nous ferait croire qu'on passerait du Parti socialiste pas mal mourant à la droite ou républicain avec M. Fillon. Mais lui, je dirais, souffre du fait qu'il est un candidat assez mauvais. Moi, il y a quelques mois, je pensais qu'il allait gagner presque sans effort, mais il est tellement incapable de se défendre, de se battre face aux accusations qui sont tout le temps basées sur l'argent, un poste qu'il a offert à sa propre femme ou à des gens de sa famille, des costumes qu'il aurait reçus. Bref, il acceptait de l'argent ou profitait de son poste pour en faire profiter toute sa famille. C'est pas, disons, bon, c'est des cas sérieux, mais c'est pas des cas où, les plus terribles qu'on a vus dans l'histoire de la politique française. C'est pour ça que ça me surprend de voir à quel point il est incapable de se défendre. Il reste là mollement à prendre les coups finalement, et je crois que ça va faire fuir beaucoup d'électeurs potentiels qui l'auraient vu comme un choix que ce serait imposé lui-même. Mais faut quand même lui donner ça, il y a une base électorale très solide, les retraités qui votent habituellement pour la droite et qui eux votent, hein, contrairement aux jeunes qui restent souvent chez eux le jour de l'élection venue. Et aussi ceux qui s'opposent au mariage des homosexuels en France, qui n'ont pas de candidat vraiment catholique sur lequel se baser, et qui n'ont que cet homme-là, que Fillon. Et alors je m'attends à ce que c'est ça, les catholiques ou les gens plus âgés restent très fidèles à sa candidature pour le vote du premier tour. Et finalement, Jean-Luc Mélenchon, lui, est, je dirais, un candidat plus intéressant parce que, assez imprévisible, il n'a pas fait des scores immenses aux autres élections, mais il était toujours présent depuis longtemps, je dirais, dans l'esprit des gens parce qu'ils l'ont vu se présenter plusieurs fois. Il se démarque beaucoup du Parti socialiste parce que ses convictions de gauche sont plus intéressantes, et pour lui, j'ai l'impression que pour Jean-Luc Mélenchon, le patriotisme ou la France, c'est pas des gros mots. Il fait jouer la Marseillaise, il est ressorti un peu plus souvent qu'on le voit d'habitude dans les partis de la gauche, les drapeaux français, et c'est ça, la musique française, comme vous l'avez vu jusqu'ici dans notre émission, vu que on fait jouer des chansons qui viennent de ses vidéos promotionnelles ou de ses propres alliés politiques, parce qu'il dit qu'il aime bien s'échauffer la voix avant son discours avec des petites chansons des célèbres chansonniers de France. Et lui, dans son cas, il veut un peu s'écarter de l'OTAN ou d'une relation trop proche avec les États-Unis. Il veut redonner un certain sentiment d'indépendance avec je dirais l'OTAN ou les directives de Washington, ce qui est assez intéressant pour des gens plus patriotes en France, en plus d'avoir des politiques sérieuses pour l'emploi ou pour faire payer plus d'impôts aux riches ou aux corporations, ce qu'on entend moins souvent en France. Alors, j'imagine qu'on va être surpris par les résultats du premier tour, mais personnellement, je crois que les chances de M. Mélenchon sont très intéressantes. Je vais m'arrêter là-dessus parce que on va devoir partir en musique, puis partir à la pause publicitaire. On va pouvoir entendre dans les prochaines minutes deux chansons, Les Canuts de Marc Augret et Ma France de Jean Ferrat. On se revoit à la seconde demi-heure. Chantez Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, gens de l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est les canuts, nous sommes tous nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde

du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines. Celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. Vous êtes toujours au Grain de sable, émission d'actualité politique. On va maintenant rejoindre Jean Cloutier en France, qui va pouvoir nous parler du prochain référendum qui a lieu demain, dimanche 16 avril, en Turquie. Bonjour Jean. Bonjour Étienne. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai eu la chance de t'écouter en première partie. Et évidemment, on voit bien que tu as un bon sens de l'analyse, même à distance. Mm-hmm. Outre-mer, outre-Atlantique, tu comprends très bien le désarroi et les socialistes qui ne savent plus à quel sein se vouer cite le Monde aujourd'hui. D'ailleurs, ouais. Je vais faire nos auditeurs à lire le journal Le Monde en date du dimanche 16 et lundi 17 avril, parce que c'est lundi de Pâques demain. Alors, on voit très bien le grand dilemme des électeurs de gauche là, qui savent plus vraiment sur quel côté pencher, mais certainement, ça donne une chance, comme tu l'as si bien analysé, à Mélenchon, qui fait partie des quatre qui ont à peu près 20% du vote là, à quelques jours du vrai vote et non plus des sondages. Mmh. Oui, c'est assez serré dans leur cas. Et les petits partis, là, les plus petits candidats aussi, leur score devrait vraiment monter dans les prochains jours. Oui, mais certainement Hamon et le Parti socialiste, ainsi que son secrétaire général, oui. M. Kamdelis, pensent déjà aux législatives qui vont se dérouler quelques semaines après le vote présidentiel. Vraiment, le Parti socialiste tire la serviette et laisse la course entre Mélenchon, Macron, Le Pen et Fillon, oui. Qui sont toujours possibles d'être au deuxième tour, donc... On ne sait toujours pas qui sera le futur président de la République. Et non. Alors, dans le cas de la Turquie, est-ce que tu pourrais, Jean, nous donner une espèce d'idée générale des changements vraiment que ça implique d'un référendum mené par le président de la Turquie pour revoir peut-être les pouvoirs qu'il détiendrait lui-même? Oui, Recep Tayyip Erdogan, le président actuel, semble vraiment vouloir prendre le contrôle de son pays. Après avoir été maire d'Istanbul pendant plusieurs années, premier ministre et président, il veut, comme certains le savent, vouloir changer la constitution et essayer d'avoir un genre de plébiscite par le peuple de sa volonté de vraiment devenir un sultan de la République turque, ce qu'on n'a pas connu depuis l'époque de Mustafa Kemal Atatürk. Oui. Ici, je salue mon ami Habib Hamzam Erdam, qui est en plein déménagement aujourd'hui et qui n'a pas pu arriver en temps pour l'émission. Alors, on aura la chance de le rejoindre, j'ai ses coordonnées. Il pourra commenter l'après-référendum, mais quand j'ai rencontré Habib pour préparer cet entretien... il disait que ça peut vraiment mal finir l'après-référendum qui se déroule dimanche, donc demain. Ça peut vraiment ça peut même, d'après lui, virer en guerre civile, puisque on est toujours au coude à coude à 50-50. Hein, on connaît ça au Québec, les référendums à 50%. Ouais. Eh bien, on est dans cette situation-là, fébrile en Turquie. Et pour comprendre que Erdogan, c'est sa folie des grandeurs qui fait en sorte que en Turquie, le référendum constitutionnel pourrait élargir encore plus les pouvoirs du président. Et un résultat positif donnerait vraiment un chèque en blanc supplémentaire à M. Erdogan, qui n'a cessé de défendre son empire sur le pays. Vous savez, c'est un très grand tribun. Il est capable de oui. soulever les foules. Sa force, c'est d'abord justement le verbe avec sa voix, sa façon de faire ses discours enflammés qui mêlent les mots de la mosquée à ceux de la rue en même temps. Il s'adresse à ses concitoyens en leur promettant le plus long pont au monde qui traverserait L'endroit du Bois-de-Fort, un peu comme le fleuve Saint-Laurent à Québec, qui est le plus large. Alors, il se vante de ses grands projets. Mais dans ses discours de campagne pour le référendum destiné à élargir ses pouvoirs, bien, le président alterne ses paraboles coraniques. Hein, il est très, très axé sur la religion. Il fait beaucoup de références à l'histoire ottomane. Il proclame des politiques et il invective vraiment souvent ses partisans. Et je ne sais pas si tu sais, si tu as entendu parler ce qu'il a dit de Angela Merkel, la chancelière allemande. Je me souviens de ses propos contre les Pays-Bas et l'Allemagne nazie, à son avis. Ben oui, il a traité la chancelière allemande, Angela Merkel, d'utiliser des pratiques de nazis. Ouais. Alors, ouais. On peut comprendre que c'est une sorte d'extrémiste là, qui est un peu dangereux. Et c'est certain qu'avec ce genre de discours, la Turquie s'éloigne de l'Europe, s'éloigne de la possibilité d'adhérer à l'Europe. Et d'ailleurs, parmi les changements constitutionnels qu'on pourrait voir poindre en Turquie, c'est la peine de mort. Mmh. Et ça, évidemment, ça consacrerait ipso facto l'exclusion de la Turquie pour une éventuelle adhésion à l'Union européenne, ou en tout cas à un rapprochement avec l'Europe. C'est vraiment quelque chose d'important pour les Européens d'exclure ce genre de politique extrémiste. Mmh. Et sa paranoïa attise même celle du pays. On sent même une morosité dans tout le pays avec ce genre d'attitude. Évidemment, si mon ami Habib Amzerdam serait là comme directeur général du mouvement kémaliste, il pourrait nous rappeler que il est vraiment l'ennemi des kémalistes et du camp des laïcs qui tente une ultime procédure d'interdiction de l'AKP, le parti d'Erdogan. Lui-même, Erdogan, a déjà été en prison alors qu'il était maire d'Istanbul pour ses propos haineux qu'il avait tenus, qui allaient à l'encontre de cette constitution, effectivement, protégée par les militaires. Donc, effectivement, il a mis à la porte beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de militaires, et toujours pour prendre plus de contrôle sur la situation. Évidemment, ce changement constitutionnel qu'il demande, mais c'est pour être sûr que les militaires ne puissent pas intervenir dans sa volonté d'établir un régime dictatorial, qu'on pourrait dire, en Turquie. Ça, alors que c'est le rôle que les militaires s'attribuent dans ce pays-là depuis des décennies, là, près d'un siècle. Oui, depuis Kemal lui-même, quand on dit kémaliste, Étienne, c'est qu'on fait référence à Mustafa Kemal Atatürk, qui est le père des Turcs. Mmh. Mais on sent qu'Erdogan veut redevenir un deuxième père des Turcs. On sait que l'époque très, très libérale ou européanisante que Mustafa Kemal a offert à la Turquie. Dès 1925, il ouvrait la Turquie à l'Europe en interdisant justement l'islamisation de la Turquie, en faisant la promotion d'une république laïque. Il a même interdit le port du voile à l'époque et donné le droit de vote aux femmes. Donc, il était très avant-gardiste. C'était avant même que les femmes canadiennes et québécoises aient le droit de vote. Ouais. Donc, il était. Alors, c'est tout ça qui est remis en question, cette laïcité, puisque Erdogan, il est supporté, il a été mis au pouvoir par des islamistes, par ce qu'on pourrait même appeler les frères des frères musulmans. Mmh. Je sais que tu nous as déjà parlé de ces frères musulmans en Égypte. Ben, ils ont des relations officielles avec ces confréries qui soutiennent Erdogan depuis son élection. Alors, il y a même eu des guerres intestinales qu'on peut s'éviter ici, mais chose certaine, c'est qu'il a vraiment été mis au pouvoir pour développer l'islamisation politique de la Turquie. C'est ça, ce qui m'intrigue dans ce cas-ci, c'est le rapport de force, parce que je sais qu'il y a vraiment une division importante dans le pays. Je vais probablement caricaturer avec ma prochaine phrase, là, mais on pourrait peut-être séparer un peu ce pays-là entre Istanbul, peut-être plus moderniste, et beaucoup de régions plus à l'est du pays, beaucoup plus conservatrices, beaucoup plus réceptives aux messages islamiques. Et ces régions-là seraient plutôt les soutiens du président actuel, tandis que j'ai l'impression que les milieux plus de la capitale, pas de la capitale, mais disons de la métropole économique, Istanbul, serait peut-être plus du côté des laïcs. Là. Est-ce que mon impression est juste? Oui, tout à fait. Et pour grosso modo, on dit souvent il y a le plateau anatolien, autrement dit, ce que tu décrivais en dehors d'Istanbul, c'est ce qu'on appelle le plateau anatolien, donc les campagnes sont très pro-Erdogan. Mais lui-même, Erdogan, est issu des banlieues pauvres d'Istanbul. Donc il y a quand même une partie de l'électorat à Istanbul, puis c'est une grande métropole qui a plusieurs millions d'électeurs, qui sont du côté d'Erdogan, l'ayant connu comme maire d'Istanbul, ayant fait beaucoup de développement économique, ayant créé de l'emploi, on peut comprendre que il y a aussi un profil d'électeurs qui ont mis en poste Trump, dont je vais éviter les descriptions ici, mais il y a ce genre d'électeurs aussi dans les grandes villes qui supportent Erdogan, mais avec un petit côté islamiste vraiment ouvert, comme par exemple il a enlevé l'interdiction de porter le voile dans les universités, ce qui a eu l'effet que beaucoup de jeunes femmes qui portent le voile sont du côté d'Erdogan pour protéger justement ces valeurs qu'il incarne. Et effectivement, il vit dans son palais à Ankara de plus de 200 000 mètres carrés avec plus de 1000 chambres. mais il n'aime pas Ankara, me dit-on, ou ce qu'on peut lire justement dans le journal Le Monde d'aujourd'hui. Il n'aime pas vraiment ses hauts fonctionnaires, ses apparatchiks qu'on retrouve dans la capitale. Donc, c'est vraiment les banlieues, comme tu le dis si bien, les banlieues, mais surtout le plateau anatolien, donc les campagnes qui veulent garder Erdogan. Et évidemment, ses confréries, surtout dans la région de Konya, ceux qui connaissent où il y a les derviches tourneurs. Donc, plus les villes sont religieuses, évidemment, plus ils supportent les politiques d'Erdogan et ils le voient comme un demi-dieu, finalement, aujourd'hui, ou vraiment comme le sultan, ce qu'on n'avait pas vécu jusqu'à ce que Kemal Atatürk, comme militaire, essaie de laïciser et d'européaniser la Turquie. Donc, on assiste vraiment à l'islamisation supportée par ces religieux ou ces confréries islamisantes. Oui, d'ailleurs, le palais de M. Erdogan que tu mentionnais vaut le détour. Hein? Je conseille tout le monde qui nous écoute à regarder sur Internet, peut-être essayer de trouver les photos de son palais. C'est assez impressionnant, c'est assez surprenant, oui. Il y a peut-être un petit côté... En tout cas, l'architecture elle-même projette la puissance, comme on voit ça rarement dans les démocraties ou la plupart des pays, même si c'est sûr, le palais présidentiel français vaut le détour et est très beau, là, mais le palais de M. Erdogan est simplement gigantesque. Ça, c'est hors de toute proportion. Alors, je vous recommande, si vous voulez être surpris, de peut-être chercher les photos du palais présidentiel turc. Vu qu'on parlait beaucoup d'Europe, je ne sais pas si tu pourrais parler un peu de ce sujet-là. Parce qu'on parlait d'Europe plus tôt, là, des élections européennes. La relation entre la Turquie et l'Europe, je ne sais pas à quel point ça va avantager Erdogan dans son référendum, mais la relation, c'est ça, est tendue parce que ça fait longtemps que la Turquie est dans un processus pour essayer de rentrer dans l'Union européenne et on dirait que les Européens freinaient des quatre fers un peu. On comprend que encore plus avec cette situation que tu décris si bien, que l'Europe est chrétienne. L'Europe, c'est l'Europe des pays chrétiens. Et ça, vraiment, on sent cette dichotomie de valeurs, surtout avec le fort taux de migration qui est arrivé en Europe, qu'on pourrait dire à cause de la Turquie qui permet aux Syriens et à beaucoup de ressortissants de chez eux de pouvoir quitter vers la Grèce dans des bateaux. On connaît toute cette situation. Et la Turquie attendait de l'argent de l'Europe pour pouvoir mieux s'occuper de ces migrants et tenter de les garder chez eux. Mais n'ayant pas eu cet argent des Européens, Erdogan fait partie de ceux qui encouragent finalement cette émigration vers l'Europe que lui le coûte cher. Et d'ailleurs, on rencontre des Turcs qui se plaignent de l'argent que le gouvernement turc doit dépenser pour accueillir et permettre à ces Syriens et autres migrants passant par la Turquie pour aller vers l'Europe, être obligés de les nourrir, les héberger pendant un certain temps. Donc, ça crée une crise et ça cristallise effectivement cette pensée là, des Turcs qui sont pro-Erdogan face à l'Europe. Et oui, il y a eu des événements pendant que j'étais justement à Bruxelles et à Liverpool en Angleterre. Il y a eu la volonté d'Erdogan d'envoyer de ses ministres influents, de grands orateurs, s'exprimer devant les communautés turques. Vous savez qu'en Allemagne, il y a plus de 3 millions de Turcs qui vivent là et qui ont le droit de vote, autant en Turquie qu'en Allemagne. Et il y a aussi plusieurs centaines de milliers de Turcs en France, dans les Pays-Bas et un peu partout en Europe. Et certains pays, dont les Pays-Bas, ont interdit à certains ministres turcs de venir faire des conférences dans le but de faire la promotion de la réforme constitutionnelle. Et ça a même favorisé certains partis, dont le Parti vert et les partis qui ont finalement la possibilité de prendre le pouvoir après les élections, parce qu'il y a comme des alliances à préparer dans les Pays-Bas, en Hollande, mais effectivement, il y a eu une influence. Donc, on sent que ce qui se passe en Turquie demain aura effectivement une influence sur les prochaines élections en Europe, autant en Allemagne. Vous savez, s'il y a 3 millions de Turcs en Allemagne, le futur gouvernement allemand, il y a des élections qui s'en viennent à l'automne. Ouais. C'est certain que Angela Merkel et ses opposants allemands devront tenir compte du facteur turc dans leurs élections. Et je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup ATTAC Québec et ATTAC France, mais j'ai comme une sorte de scoop à avoir rencontré les organisateurs des élections allemandes pour le Parti vert qui auront lieu à l'automne prochain. Semble-t-il qu'il y a deux Länder qui sont contrôlés par les partis verts actuellement et qui pourraient avoir une influence sur le vote national, donc fédéral, qui va se dérouler à l'automne. Et semble-t-il que ces deux Länder-là, puisque ça fait partie de la plateforme électorale des Verts mondiaux d'être contre le libre-échange, eh bien, cela pourra faire en sorte que non seulement le ministre-président Paul Magnette, qui surveille le CETA, le libre-échange entre l'Europe et le Canada, mais il y aurait d'autres régions, des Länder allemands, qui pourraient exiger certaines conditions que leur Parlement national, donc les Allemands, le Bundestag, puissent ou non signer à entériner la signature européenne du libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Donc, pour les opposants au libre-échange, au CETA, comme on dit si bien ici. D'ailleurs, je dis tellement le CETA que j'ai oublié comment on dit en français et au Canada. La ECG, c'est ça? Oui. Bon, il y a encore des possibilités que ça ne passe pas, puisque, comme on sait, il y a les 28 parlements nationaux, mais d'autres, il y a 32 parlements qui devront se positionner pour ou contre l'adoption finale au cours des deux prochaines années de l'ACG. Et les Allemands pourraient mettre la pagaille un peu dans ce processus de Bruxelles. Alors, on surveille ça ici. J'ai bien hâte de voir si les informations que j'ai seront vérifiées. Je sais que la chef du Parti vert du Canada, Elisabeth May, sera invité en Allemagne pour faire la promotion d'arrêter le processus d'entérinement de cet accord de libre-échange entre les Européens et les Canadiens. Mais c'est ça. Si les élections sont difficiles à prédire, surtout ces temps-ci, là, on a du mal à identifier quels candidats ont le plus de chances de passer. Si on peut résumer en quelques mots, j'ai l'impression que c'est que ce qu'on peut prédire, c'est que les partisans là, du libre-échange, tel qu'il se faisait pendant des années et des années, eux sont en difficulté. Et c'est vraiment leurs opposants, ou bien peut-être ceux qui doutent là, du fonctionnement du système libre-échangiste, c'est eux qui ont le vent dans les voiles. En tout cas, c'est mon impression. Oui, et surtout si Mélenchon fait le deuxième tour, on connaît sa position. Je crois que tu en as parlé tout à l'heure. Ça pourrait changer les relations de la France avec l'OTAN, avec l'Europe et aussi en ce qui a trait des traités de libre-échange. Il remet en question beaucoup de ces choses de la Ve République. Alors, avec Mélenchon, d'ailleurs, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais oui. J'incite aussi les gens à lire en page 23 du Journal Le Monde d'aujourd'hui, Jean-Louis Margolin, qui quand même développe, c'est le Journal Le Monde d'aujourd'hui, hein, c'est plus le Journal Le Monde associé à la gauche en tout temps. On critique beaucoup le discours de Jean-Luc Mélenchon, le traitant de marxisme pour bébé, tout comme le faisait George Orwell. Alors, on critique le danger d'avoir Mélenchon et le fait que ce soit un programme irréaliste et dangereux de sortir de l'Europe, de l'euro et de l'OTAN. Mais il y a aussi François Asselineau qui a ce discours-là. C'est vrai. Et le discours vert aussi remet en question beaucoup de ces positions-là. Mais je pense que Benoît Hamon ne sera pas du deuxième tour. Ça semble assez évident. Oui, ben je crois que ça pourrait être le mot de la fin. Les grands médias vraiment s'acharnent contre les alternatifs, hein, ceux qui essaient d'avoir une image différente du commerce. On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Jean Cloutier, pour cet entretien. Je veux aussi remercier Michel Gauthier qui était à la technique aujourd'hui pour nous donner un beau coup de main. Et ne quittez pas ce qui... D'abord, on va faire un peu de musique avec la Marseillaise, mais après la pub, vous allez avoir les geeks contre-attaque. Restez là. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. C'est le printemps et le moment est venu de faire changer vos pneus. Pneu Bazar, le spécialiste du pneu depuis 50 ans à Québec. Pour bien chausser votre véhicule, une équipe compétente se fera un plaisir de répondre à vos besoins, que ce soit pour la pose, le balancement, la réparation ou faire le gonflage de pneus à l'azote. Service de frein et de changement d'huile aussi disponible. Nous rachetons également vos pneus usagés. Profitez du rabais postal sur les pneus Toyo jusqu'à 70 $ à l'achat de 4 pneus sélectionnés. Pneubazar.com pour les promotions, les rendez-vous en ligne et consultez notre catalogue. Suivez-nous sur Facebook. When we get married. Le 22 avril, la Maison de la littérature présente Gargarisé, un joyeux collage, bricolage de textes de poètes contemporains. Une soirée de poésie signée Jérémy Francoeur. Sans lutrin, sans histoire et sans bienséance. Gargarisé, simplement pour le plaisir contagieux de la langue. 16 ans et plus. Au cœur du Vieux-Québec, la Maison de la littérature, votre maison pour écrire, lire, vivre. When we get married. Le pied bleu, c'est quoi? Un bouchon, un bistrot d'inspiration lyonnaise, des plats longuement mijotés à partager en couple ou en groupe. Le renard et la chouette, une buvette de quartier, cuisine de partage suivant les saisons axée sur les légumes et les poissons. Natoy, restaurant traditionnel vietnamien, l'expérience barbecue, un voyage de l'autre côté de la terre. Trois lieux, une même convivialité. Le Pied Bleu, votre artisan charcutier. Piedbleu.com ou visitez notre page Facebook. Le Cœur à lire, organisme d'alphabétisation de Charlebourg, vous invite le 25 mai prochain au Moulin des Jésuites pour une visite guidée et fabriquer votre pain. Inscription maintenant au 88 841 10 42. Vous êtes les bienvenus à nos ateliers de français du lundi au jeudi et à notre café le mercredi.